Merci d'écouter Le Monde est un village. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Nous avons ce soir une correspondance depuis Madrid au programme, ce qui est annoncé en tout cas, des disques d'Espagne, des artistes qu'il faut suivre dès à présent. Bonsoir Juan Antonio Vázquez. Bonsoir Didier, bonsoir les amis. C'est un plaisir d'être ici une autre fois pour présenter des musiques ibériques fascinantes. Deux plages, deux projets, aujourd'hui avec un touche méditerranéen. Le premier d'eux, sur le disque d'un musicien qui vient de la Valence. Un musicien dont sa spécialité est la musique et les instruments de la Méditerranée orientale. Il voyage de la Valence, de l'Espagne, jusqu'à la Grèce et la Turquie. Il s'appelle Efren López. C'était Efren Lopez dans Le Monde est un village. Première proposition de Juan Antonio Vázquez ce soir. Voilà le disque qui va apparaître prochainement du musicien espagnol valencien Efren Lopez, El fill del llop. En valencien ou en catalan, ça veut dire le fils du loup. Cette chanson avait le même titre, mais en grec. Rogios Toulikou. Et nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Il y a encore du flamenco à nous faire partager avec cette deuxième proposition, Juan Antonio. Et oui, bien sûr, nous avons une autre proposition ibérique, dans ce cas aussi espagnole. C'est une chanteuse de flamenco. Une des voix les plus intéressantes et les plus impressionnantes des nouvelles générations de chanteuses et chanteurs, c'est Argentina. Elle a enregistré un disque, un concert, un double disque et DVD qui nous montre sa virtuosité et sa connaissance profonde du flamenco. On écoute Argentina pour la toute première fois dans Le Monde est un village. Hasta no entrega la prenda, porque luego el dependiente no te lo admite la tienda, porque luego el dependiente no te lo admite la tienda. Ya, ya, ya, ya. Hay jardín de la alegría, ay, como quieras que yo vaya, al jardín de la alegría, si se marchitan las flores, al ver la velita mía, tiene que tiene. Yeah! quiero a ti. La isla de C'était Argentina, cette chanteuse qui vient de l'Andalousie, de Huelva, et qui chantait un genre typique de Cádiz, les cantiñas, dans lesquels on parlait par exemple de Napoléon, qui n'avait pu jamais conquérir la ville. Nous avons croisé la Méditerranée, Valence, l'Andalousie, Cádiz, tout cela depuis Madrid ce soir, dans Le Monde est en village. Merci pour cette livraison, Juan Antonio. C'était un plaisir et nous espérons de retourner tout de suite ici sur Le Monde est en village. N'oubliez de visiter notre site web mundofonias.com, mundofonias avec F. À bientôt. On se retrouvera très prochainement pour une autre livraison ibérique. Ça peut donc concerner l'Espagne ou le Portugal. L'Espagne et le Portugal. À très bientôt. Bonne suite de soirée.